الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous allons continuer, inshallah, ce sujet du vocabulaire coranique dans ce 28e dars de la série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Et je dis que Suyuti, il a cité dans son Itqan deux chapitres en relation avec le chapitre qu'on a évoqué précédemment sur la syntaxe coranique. Il a cité deux autres chapitres. Le chapitre 40, qu'il a appelé معرفة معاني الأدوات التي يحتاج المفسر إلى معرفتها. Les mots utiles dont la connaissance est indispensable à l'exégète. Et le chapitre 42, في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. Règle importante de la langue arabe dont la connaissance est indispensable à l'exégète. Alors, la première règle qu'il a expliquée dans le chapitre 42, savoir le chapitre sur les règles, les règles dont la connaissance est nécessaire au mufassir. La première règle qu'il a expliquée, c'est une règle relative au prénom. C'est ce qu'on appelle Dama'ir. Il a dit qu'Ibn al-Anbari a écrit un livre en deux volumes sur l'explication des pronoms qui se trouvent dans le Coran. L'importance des pronoms. Deux livres consacrés, deux volumes consacrés au pronom. Puis il a dit que le but de l'emploi des pronoms, c'est la concision, l'ikhtisar. Sinon, si on répète les noms qu'indiquent les prénoms, ça va être long. Les phrases vont être longues. À la base, ce sont les pronoms affixes qui sont utilisés dans le Coran. Et dans la langue arabe en général. Et on ne recourt aux pronoms isolés que lorsque c'est nécessaire. Les pronoms affixes comme hum, hunna, huma, hu, comme kum, kunna, kuma, hein, na, comme kitabuna, le na c'est un pronom. Ni, fumt, ou il y a tout simplement kitabi. Ce sont les pronoms affixés, ils sont attachés au nom ou au verbe. Les pronoms isolés de Dama'ir al-Munfasila, c'est comme Iyaka, Huma, Hiya. Huma, Hiya, Huwa peuvent être, Huma peut être un affixe et ou un pronom isolé. Antum aussi, c'est un pronom isolé. Nahnu, Anta, Ana, etc. On les appelle les pronoms isolés. Et on ne peut bien sûr utiliser les pronoms isolés qu'en cas de nécessité, comme par exemple dans dans la sourate al-Fatiha, Iyaka na'budu. Iyaka c'est un pronom personnel isolé qui désigne qui désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le complément avant le verbe pour la restriction, c'est-à-dire que nous devons adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mis, c'est un complément préposé. D'accord ? Iyaka, c'est un complément, c'est un damir, c'est un pronom isolé qui remplace un complément d'objet direct qui désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'budu, c'est un fi'l mudari', adorons. Un fi'l mudari', c'est un verbe, d'accord, au présent. Et marfou, bidama dhahir ala akhre. Il est marfou, il est au cas. Il a la dama à sa fin. Yaka na'budu. Donc là, le pronom il est isolé. Un autre exemple, waqada rabbuka alla ta'budu illa iya. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah a décidé que vous n'adoriez que lui. Que vous n'adoriez que lui. Et puis il y a l'exception, la particule d'exception qui est illa, et puis iyah qui est un damir, qui est un pronom isolé. sinon sans cette exception, on dit ta'buduh. Mais là, la particule est séparée entre le verbe et le pronom. Et parmi les règles relatives au pronom, c'est que le pronom il renvoie un antécédent, c'est-à-dire le nom ou les noms ou la phrase qu'il désigne. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wanada Nuhun ibnahu, Nuh a appelé son fils dans Surat Hud. Nuhun ibnahu. Ibnahu, ça se termine par l'ha. Hein? Le ha, le pronom ha, il renvoie, il remplace qui? Il remplace Noé, qui est cité avant lui. D'accord? Il renvoie un antécédent. وقد وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه آدم a désobéi à son seigneur ربه le ha il renvoie à Adam n'est-ce pas le pronom peut remplacer un nom qu'il implique comme le pronom peut remplacer un nom clair désigné avant lui, comme les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, et il peut remplacer un nom implicitement, comme par exemple i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Je traduis soyez juste. Huwa, je garde le nom, je garde le pronom sans le traduire. Huwa est plus proche de la crainte pieuse. Le damir huwa, le pronom huwa, il remplace quoi? Hein? Il remplace un nom qui n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné dans la phrase. Mais il le désigne par implication. Huwa désigne quoi? Désigne la justice. La justice. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Soyez juste. Soyez juste. Et les plus proches de la crainte, le pronom, il renvoie à qui? Il renvoie à la justice. Soyez juste. La justice est plus proche de la crainte pieuse. D'accord. Et dans un autre verset, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre la nuit du qadr. Inna bon, harf nasb tawkid. Et anzalnahu, anzalna. Anzalna c'est le verbe anzala. Et donc le hu anzalnahu lo damir. Le pronom personnel, who, il renvoie à quel nom? Le nom n'existe pas. À quoi il renvoie dans ce verset-là? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il renvoie au Coran. Nous avons fait descendre le Coran la nuit du Qadr. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité le Coran. On ne l'a pas cité. Mais il l'a désigné juste par le pronom who, anzalnahu. Là, c'est ce qu'on appelle Yadullu alayhi bil iltizam. Le ha remplace le Coran par implication nécessaire. Mais parfois, le nom qu'il remplace par implication se trouve devant lui. Vous savez, normalement, le pronom, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pronom renvoie à un antécédent, un nom qui est cité avant lui. Mais là, c'est l'inverse. L'inverse. Le nom qu'il désigne se trouve devant lui. فأوحى يقول الله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى سورة طه فأوجس في نفسه خيفة موسى il en conçut de la peur au fond de lui-même Moïse. Bah, je traduis tout en respectant la structure de la phrase, hein? Donc si on respectait l'ordre syntaxique de base langue arabe, la phrase serait Moussa aujasa fi nafsi khifa. Moïse conçut de la peur au fond de lui-même. N'est-ce pas? Avec le verbe, avec le sujet, le complément, le verbe, le sujet, puis le complément à la fin. D'accord? Mais là, c'est le nom auquel renvoie le pronom ha, nafsihi. Hein, renvoie à un nom qui est devant lui alors que d'habitude il renvoie à un antécédent. Donc si nous voulons faire l'analyse syntaxique de ce verset pour nous repérer, bon, on va dire Aoudjassa, Aoudjassa, bon, fi'al mad, mabni ala al-fath, c'est un verbe au passé, fi nafsihi, bon, fi nafsihi jar wa majrour, la préposition avec son génitif, et nafsi, nafsi majrour avec la kasra, et puis il y a le ha qui est le pronom, c'est un هاي est un مضاف إليه il est annexé à نفسه. D'accord. Donc le ha qui est ce ha là qui est attaché, c'est un damir muttasil مضاف إليه, c'est un pronom affixe complément de nafs. Et ce ha il remplace quoi? Il remplace un nom qui ne le précède pas mais qui se trouve à la fin de la phrase. Fi nafsihi, fi nafsihi, fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. D'ailleurs la préposition et le nom qui vient après, le nom, le son génitif fi nafsi, il remplace, il est attaché à, il dépend de quoi? Il dépend d'un verbe. Nous avons parlé déjà de ça, le génitif, la préposition avec son génitif, ils dépendent d'un verbe ou d'un mot qui remplace ce verbe-là. Mais là, fi nafsihi, ils dépendent du verbe aoujasa, ça veut dire concevoir de la peur. D'accord? Alors, fi nafsihi, nous en avons parlé. Qu'est-ce qui reste à analyser? Khifa, c'est un complément. C'est un complément d'objet, bon, ça m'a fa'oul bihi mansoubun bil fatha di dhahir ala akhiri khifatan avec la fatha à la fin. Donc c'est un complément et c'est clair. Je termine le verset ou je termine la phrase fa'oujasa fi nafsi khifatan Moussa. Moussa c'est quoi? Moussa c'est un sujet. C'est un fa'il marfou' بضمه المقدره على اخر اسم فاعل مرفوع c'est un sujet et c'est un sujet normalement le sujet doit être avant le complément mais là c'est un sujet postposé c'est un sujet qui est venu après le complément d'accord il est venu après le complément c'est un sujet qui porte c'était normalement il doit porter une dama mais puisqu'il y a le alif moussa c'est un alif maqsoura qui se forme d'un ya. Il est impossible de mettre la dhamma dessus, d'accord? Et c'est pour cela, bon, les mu'arribines, les spécialistes, les grammairiens, ils disent dhamma muqaddara ala akhri mana'a min zuhuriha ta'azzur. C'est une dhamma sous-entendue à sa fin, mais qu'on ne peut pas la mettre vu la présence du alif maqsoura, du alif. Donc ça c'est un sujet postposé, c'est-à-dire il est venu le pronom ha il renvoie à un nom ou au sujet Moïse qui est venu après lui. Et ça c'est court, on trouve beaucoup d'exemples dans le Coran de ce genre, comme dans sourate al-Baqara wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin. Hein? وإذ ظرف لما مضى ابتلى c'est un verbe Ibrahima lorsque si je traduis lorsque le Seigneur a éprouvé Ibrahim par des prescriptions lorsque Ibrahim fut éprouvé par son Seigneur fut testé éprouvé par son Seigneur. وإذ ابتلى فعل ماض Ibrahima c'est un مفعول به c'est un complément. Ibrahima, attention à l'erreur, parce que certains disent Ibrahim ou non, c'est fou. Ibrahima, c'est un complément, et puis Rabbuhu, c'est un fa'il mu'akhar, c'est un sujet postposé, bikalimatin, c'est un jar ou majrour, la préposition avec son génitif. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun, dans surat al-Qasas. Alors, c'est pour ça qu'il dit, wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun, là, لهم ذنوبهم لهم c'est-à-dire le pronom affixe il renvoie un nom qui est venu après lui c'est-à-dire المجرمون d'accord ولا يسألوا là c'est-à-dire que les coupables ne seront pas interrogés au sujet de leur péché d'accord. C'est-à-dire que leurs péchés sont flagrants et Allah subhanahu wa ta'ala les jettera directement en enfer. Donc, وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ là, la particule là, la يُسْأَلُ, c'est une particule négative. Et la يُسْأَلُ, c'est un fi'l mudari' mabni lil majhoul. C'est un verbe à la voix passive. Hein. La voix passive, le mujrimoun, c'est un naïb al-fa'il, c'est le complément remplace le sujet, c'est un substitut du sujet en langue arabe. On appelle ça comme ça naïb al-fa'il. On appelle mujrimoun ici naïb al-fa'il quand c'est la forme est à la voix passive. C'est un substitut, c'est un complément qui remplace le sujet. Le pronom peut remplacer un nom désigné par le nom qui vient après lui. Le nom remplacé par le pronom n'est pas mentionné dans la phrase, mais il est désigné par un autre nom qui est placé après ce pronom-là. Je vais donner un exemple. Kalla iza balagat al-hulqum. Ou kalla iza balagat al-taraqi. Kalla iza balagat al-taraqi. Dans Sourate Al-Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit oh, quand elle remontera aux issues de la gorge. Ici, le pronom n'est pas cité. C'est un pronom caché, renfermé dans l'esprit, muqaddar. Il désigne hiya, ce pronom là est hiya. Kalla idha balagat hiya taraqi. Hiya, je l'ai traduit par elle, quand elle remontera aux issues de la gorge. Et donc ce pronom là que j'ai traduit par elle, il désigne quoi? Il désigne le nom, le nom, c'est que le nom qu'il remplace est désigné par le nom at-taraqi, les issues de la gorge. Et donc qu'est-ce qui arrive aux issues de la gorge? C'est l'âme. J'ai compris par le nom Taraqi qu'il s'agit bien de l'âme. Et donc là, le pronom, il renvoie à un nom désigné par le nom qui vient après lui. Parfois, c'est le contexte qui indique le nom. Comme dans la parole d'Allah, « Kullu man alayha fan » dans sourate Ar-Rahman. Tout ce qu'il y a sur elle est périssable. كل من عليها على et puis le ha qui est un damir muttasil qui est un pronom affixe, il désigne quoi? Il désigne la terre. C'est grâce au contexte que j'ai compris, que j'ai pu déduire cela. Tout ce qu'il y a sur elle est périssable. Donc je lis la phrase, je déduis qu'il s'agit bien de la terre. Parfois, deux choses sont citées alors que le pronom renvoie à l'une d'elles seulement, comme dans la parole d'Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal-khashi'in. Cherchez une assistance dans la patience et la prière. Il est vrai qu'elle est une chose pénible sauf pour ceux qui font preuve d'humilité. Innaha, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha. Innaha, le ha, le pronom ha, c'est un pronom personnel féminin singulier, n'est-ce pas? Or là, j'ai deux noms. J'ai as-sabr, bis-sabri was-salat. J'ai sabr, la patience, et j'ai salat, la prière. Donc, si ce sont les deux qui sont désignés par le pronom, je vais lire wa innahuma. C'est au duel que je dois conjuguer. Wa innahuma. Parce que dans le. Vous savez, en langue arabe, il y a le singulier, le duel et puis le pluriel. Plus que deux, il y a le pluriel. Le ha ici, ha, damir, il renvoie à la prière. C'est-à-dire le dernier cité. Et le contexte le prouve. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. C'est une chose pénible, sauf ceux qui font preuve d'humilité, de concentration. N'est-ce pas, ceux qui se concentrent dans la prière, c'est ces gens-là qui ne ressentent pas la lourdeur de la prière. Et parfois, le pronom, il y a un nom alors qu'il renvoie à autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ » Sourate Al-Mu'minun. Nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile, puis nous en fîmes une goutte de liquide déposée dans un réceptacle sûr. Le réceptacle sûr, c'est l'utérus, bien sûr. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile. Qui a été créé d'argile? C'est Adam alayhi salam. Le reste du verset, puis nous en fîmes une goutte. Le pronom renvoie ici à quoi? ثم جعلناه نطفة جعلنا le verbe جعلنا et na c'est le sujet le pronom et puis l'autre pronom ha hu qui est qui normalement joue le rôle de complément il remplace un complément le ha il remplace qui il renvoie à qui il renvoie à la descendance d'Adam et non pas à Adam c'est sa descendance qui a été créée d'une goutte de liquide et non pas Adam. D'accord. Donc j'ai un pronom qui désigne un nom qui a un rapport qui est lié à un nom alors qu'il désigne un autre. D'accord. Et autre règle concernant les pronoms, à la base les pronoms renvoient à une même chose. Quand il y a une série de pronoms, à la base ils renvoient à une même chose. Comme dans Sourate Al-Kahf par exemple, قال له صاحبه وهو يحاوره قال له le premier ha et le deuxième ha et le troisième ha, trois pronoms, ils renvoient à une même personne, ça veut dire la personne qui a renié la venue de l'heure et qui a été ingrat et qui s'est vanté de sa richesse et son compagnon lui dit dans sa discussion avec lui, as-tu dénié celui qui t'a créé? قال له صاحبه, son compagnon lui a dit pendant qu'il discutait avec lui, as-tu renié celui qui t'a créé? À partir d'une autre fois, à partir d'une goutte de liquide, etc. etc. Donc, tous les pronoms-là renvoient une personne à une seule personne. Mais il y a des cas qui n'obéissent pas à cette règle, comme par exemple dans le verset « وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا » dans Sourate Al-Kahf aussi. « وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا » ne consulte à leur sujet aucun d'eux. Aucun d'eux. Le premier pronom pluriel, ou la testafti fi him, him, le premier pronom pluriel, il renvoie aux gens de la caverne. Et le deuxième, hum, min hum, il renvoie aux juifs. Parce que c'est les juifs, qui ont posé cette question, ils se posaient trois questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont posé des questions à propos des gens de la caverne. Et là, le premier pronom, il renvoie aux gens de la caverne. Et le deuxième renvoie aux juifs. Ensuite, Sioté, il a cité d'autres règles, celle du féminin, du masculin. Parfois, le sujet est féminin, alors que le verbe qui lui correspond ne comporte pas le signe du féminin, qui peut être, par exemple, le ta, ta, ta, nit. Comme dans la parole d'Allah, فَمَنْ جَاءَهُ مَوَعِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Dans Sourate Al-Baqarah, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ, celui auquel est venue une exhortation de la part de son Seigneur. جَاءَهُ, normalement ça doit être جَاءَتْهُ, c'est le ta du féminin, parce que le terme مَوْعِذَة est au féminin, aux exhortations. D'accord. قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ, dans Sourate Yunus, une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Normalement, قَدْ جَاءَتْكُمْ, il n'y a pas le ta du féminin. Il n'y a pas le ta du féminin. Mais c'est le verbe. Normalement, ne comporte pas le ta du féminin. Alors que le sujet qui lui correspond, c'est un féminin. Pourquoi? L'une des raisons, c'est pour montrer la valeur, pour mettre en valeur l'éminence de la chose. Pour mettre en valeur l'éminence de la ma'iza ici, dans les deux versets. Dans le deuxième verset sourate Yunus, قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ, la ma'iza ici c'est le Coran. Donc pour mettre en valeur, pour montrer l'importance du Coran, on a enlevé le ta du féminin et on a conjugué, on l'a considéré le ma'iza comme un masculin pour montrer sa valeur. Et des exemples de ce genre sont nombreux. قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ, قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ, alors que normalement ça doit être قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ, parce que بَيِّنَةٌ c'est un féminin. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ, alors قَدْ كَانَتْ لَكُمْ آيَةٌ, vous avez un signe dans ceci et cela. Ici, aya, c'est au féminin. Normalement, ça doit être kanat, mais il n'y a pas le ta. C'est pour montrer que le terme aya, que ce terme, ce signe, le signe est éminent. Hadha rahmatum min rabbi. Dans un autre verset. Dans la fin de Surat Al-Kahf. Dhul Qarnayn, qui a dit Hadha rahmatum min rabbi. Celui-là est une miséricorde venant de mon Seigneur. Il n'a pas dit celle-là est une miséricorde. Il a dit celui-là. Il l'a désigné par le démonstratif masculin. Alors que Rahma, c'est au féminin. C'est pour montrer l'éminence de cette Rahma, la grandeur de cette Rahma que le démonstratif a été employé au masculin et non pas au féminin. Bon, il a cité d'autres règles, le défini et l'indéfini, le pluriel et le singulier, d'autres règles qu'il est long qu'il est long de développer ici. Bon, dans le 40e chapitre, comme j'ai cité au début du dars, je dis qu'il y a deux chapitres qui sont rattachés au chapitre de la syntaxe coranique. Hein. Dans le 4e chapitre, il a défini ce qu'on appelle les adawats. Les adawats sont les mots-outils, comme la particule interrogative, la hamza, la particule d'exception, la particule Allah, iz, ida, bel, hein, thumma, min, ila, an, ala, rubba, zu, duna, hatta, hasha, beida, bi'sa, sin, saufa, sawa, asa, inda. Ça, ce sont des mots utiles. La connaissance de ces mots-là, attention, c'est fondamental. Elle est fondamentale. Je cite un exemple. Je vous donne une idée de chaque chapitre parce que le détail est très très long. Tous les mots utiles, ça c'est faut une série de doros rien que sur ces particules parce qu'ils sont déterminantes dans la compréhension du texte des versets coraniques. Alors je vais citer l'exemple de la particule de Ida. Lui, il a traité la particule de Ida. Il a dit, il y a le cas où Ida exprime un événement inopiné, exprime la surprise. Fujaïa. Elle concerne spécifiquement cette particule Ida dans le cas où il exprime un événement inopiné. Elle concerne particulièrement les phrases nominales qui commencent par un nom. Ce n'est pas une, je dis, ce n'est pas une conjonction de subordination où on distingue une phrase principale, une phrase subordonnée, ce qu'on appelle jawab. C'est comme le cas du charta de la condition. Si tu as fait, tu auras. Il y a la principale et la subordonnée. Non. Ida ici ne joue pas ce rôle-là. Et ce Ida-là, comme a dit Suyuti, il ne se place pas au début de la phrase. Hein? Et elle exprime le déroulement de l'action et non le futur. Je vais donner un exemple qui explique ce qu'il a dit à propos de Ida. Allah subhanahu wa ta'ala فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها Moïse le jeta. Il jeta quoi? Il jeta le bâton. فإذا et voici que ce fut un serpent qui rampait. فإذا ici, cette Ida, il a introduit la notion de surprise. Moïse jeta le bâton et voici que ce fut un serpent qui rampait. فإذا هي حية تسعى. Dans sourate Taha. Dans un autre verset, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Sourate Younus. Et quand il les aura sauvés, les voilà qui se déchaînent sur la terre sans le moindre droit. Les voilà qui les surprises. Donc, Isa exprime ici la surprise. Et il se met au milieu de la phrase. D'accord? En dehors de ce cas particulier, Isa, dans la majorité des cas, sert de localisation temporelle exprimant le futur. C'est un zarf lil mustaqbal, comme disent les grammairiens. D'accord? Qui renferme l'idée d'une condition, charte. Et elle concerne spécifiquement les phrases verbales, c'est-à-dire les phrases qui commencent par un verbe. Elle se place au début de la phrase. Exemple. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح. Lorsque viendra le secours victorieux d'Allah. Mais ici, j'ai Ida. Et juste après Ida, il y a Ja'a, mais Ja'a, il est au passé. C'est un verbe au passé. Mais là, il a transformé ce verbe au passé, il l'a transformé au futur. Comme j'ai dit tout à l'heure, il sert de localisation temporelle, exprimant le futur. bien que le verbe soit conjugué au passé, mais quand Ida est venu avant lui, ben il l'a transformé au futur. Ida jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, lorsque viendra le secours victorieux d'Allah, ainsi que l'ouverture, et que tu verras les gens entrer en masse dans la religion d'Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Glorifie par la louange ton Seigneur et implore son pardon car il accorde volontiers son repentir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Ida? Elle a introduit le futur. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Ben, elle a joué le rôle de condition. J'ai deux phrases ici. J'ai deux phrases, en fin de compte. Ida jaa, lorsque viendra le secours victorieux, et donc l'autre phrase, fasabbih bihamdi, glorifie par la louange ton Seigneur. C'est ce qu'on appelle le jawab, jawab ou Ida. Il y a deux phrases, j'ai deux phrases ici. C'est comme si Ida ici jouait le rôle de condition. Si vous voulez, on peut la remplacer par si le secours victorieux d'Allah vient ainsi que l'ouverture, hein. Le reste de la phrase, le jawab, la réponse, glorifie par la louange ton Seigneur. D'accord? Il a joué le rôle de condition. C'est une particule conditionnelle. Il y a des cas où Ida n'introduit pas le futur. Hein? Il y a des cas comme par exemple, wal-layli idha yarsha, par la nuit au moment où elle étend son obscurité. Là, c'est ce qu'on appelle un incoatif, c'est-à-dire par la nuit. Ida, ici, il dit, je l'ai traduit par au moment, c'est-à-dire au moment où elle étend son obscurité. Là, il n'introduit pas le futur. Wan-nahari idha tajalla, par le jour au moment où il se dévoile. Là, c'est aussi, il n'introduit pas le futur. Et Ida s'emploie quand il s'agit d'une chose certaine ou qui arrive souvent. Ida s'emploie quand il s'agit d'une chose certaine ou qui arrive souvent, contrairement à in. In, c'est une particule, bon, hypothétique, qui s'emploie dans la chose dont on doute l'arrivée ou qui arrive rarement, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ida qumtum ila salati, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ou vous qui croyez, lorsque vous vous levez en vue de faire la prière, Ida qumtum, j'ai traduit Ida par lorsque. Vous vous levez en vue de faire la prière. La prière est un devoir quotidien, 5 fois par jour, voire plusieurs fois par jour si on ajoute les prières surrogatoires. Donc c'est quelque chose qui se passe tous les jours, souvent. Donc l'emploi approprié, l'emploi de Ida est un emploi approprié. Ida convient ici parce que la phrase parle de quelque chose qui arrive souvent. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Le reste de la phrase, le reste du verset, dans ce même verset, il est mentionné وإن كنتم جنبا فطهروا. Si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. Là, si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. L'état d'impureté majeure n'arrive pas toujours. Hein? C'est donc l'emploi de in, ou in kuntum junuban. Il a employé in et non pas, il n'a pas employé Isa dans un même verset. Il a employé Isa dans une phrase où la chose arrive souvent. Et quand il est arrivé à la chose qui n'arrive que rarement, à savoir l'état de souillure majeur, il a employé in. Il a employé in. Ça, c'est concernant la différence entre Isa et ça, c'est de manière générale, parce qu'il y a des exceptions à cette règle. Je me contente de ça concernant la syntaxe coranique. Et avant d'aborder le sujet de la nature du texte, de sa portée, des figures de style, du fait que le texte soit péremptoire ou équivoque, général ou particulier, ce qu'on appelle ahwal an-nas. Avant d'aborder ce sujet-là, inshallah, Je vais répondre, bi'idhnillah, à certaines critiques des orientalistes, des détracteurs de l'islam, comme quoi le Coran comporte des erreurs grammaticales. Je vais consacrer, inshallah, à ce sujet un dars, au prochain dars, inshallah, subhanakallah wa bihamdik, shadu illa ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.